Scream again. Yeah, Gore-Tex à la prod. C'est le remix. Yeah, again. Scream 71 mec. Yeah, t'as reconnu ou pas? Yeah. Yeah. Ma putain de ville, mon pote n'a pas la cote. La conquête à la peine, le shit est toujours à la mode. J'ai trop la dalle et je veux cramer ce putain de rap français. Un seul but quand je rappe, je veux pas virer de bord comme un transsex. Yeah. Tout niqué, yeah. Tu l'as retenu. C'est Bebeuse crie au mic, comme Matt le flow, tu l'as reconnu. PRO, je l'ai pendu, je colle à l'instru comme une sangsue. Toujours le respect pour les grands du petit bled où j'ai grandi. Partagé entre Gandhi et la plupart des gros bandits. Contradictoire comme un pélo, comme sa meuf et se met à bander pour une tasse paix qui n'en vaut pas la peine. Non, vaut pas la peine. Recroise les jambes du but, la chatte sa chienne, tu as mauvaise haleine. Yeah, fais péter les boomers dans ta boîte. Yeah, le bonheur je veux pas le titiller, je veux le doigter. Yeah, yeah. Et monte les watts, le rap français c'est une descente. J'enroule libre comme un cul de jack. Ton meilleur pote baisse ta meuf, ça fait ça fait mal. La première dose de 09, ça fait ça fait mal. Un coup de patte en pleine tête, ça fait mal. T'es défoncé dans ta tête, ça fait ça fait mal. J'ai buzz cri dans les enceintes, ça fait mal. Mat, comment je débite, ça fait ça fait mal. Dans le rap game je vais m'installer, ça va faire mal. C'est le remix de ça fait mal, ça fait mal. Yeah, yeah. Encore un son de malade pour les Tessis. Je te l'ai déjà dit sur une instru, mon pote, je reste précis. C'est le remix de Buscri, je te choque comme Muscri. Pour un taf, c'est aigri. Normalement, pote, on est en temps de The Cri. Le mic est mon ami, les putes, je les ai mis de côté. Baiser un max en matière de sale pote, je cartonne le quota. Yeah, l'amour et l'amitié, à chaque fois, je me fais couillonner. Les flics sont partout, je regarde ma ville, c'est un vrai poulailler. Mon pote, je suis coulaillé. Putain, j'ai raturé le cahier. Je mitraille les MC au caillou, et puis je raye leur Cayenne de location. Bon prix pour un clip, c'est l'occasion. Pas de frein à main sur le parking, les gars, pensez à la caution. Yeah, le rap français est-il mort? On se le demande, moi je m'en tape. Je rappe, je te chie des couples et sur commande. J'ai trop les crocs, j'suis trop en chien comme un taulard qui sort de cabane. C'est S-K-R-I-P dans la cabine. Mon meilleur pote baisse ta meuf, ça fait ça fait mal. La première dose de 09, ça fait ça fait mal. Un coup de patte en pleine tête, ça fait mal. T'es défoncé dans ta tête, ça fait ça fait mal. J'ai buzz cri dans les enceintes, ça fait mal. Mat, comment je débite, ça fait ça fait mal. Dans le rap game je vais m'installer, ça va faire mal. C'est le remix de ça fait mal, ça fait mal. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tu croyais quoi? T'as entendu mes nouveaux sons? Avoue que t'y croyais pas. Mais mec, tu croyais quoi? Mais mec, je croise les doigts pour monter haut. Mais pour l'instant les gens m'entendent, c'est qui suis là? Yeah, yeah, c'est qui ce gars là? Mais mec, mais qui va là? C'est Bebeuse crie dans les enceintes. Mais mec, je fous le dawa. Yeah, yeah, je fous le fire. Mais mec, j'ai le bawa. Bon bat comme une kawa. Je m'essuie les pieds sur ta paillasse. Ton meilleur pote baisse ta meuf, ça fait ça fait mal. La première dose de 09, ça fait ça fait mal. Un coup de patte en pleine tête, ça fait mal. T'es défoncé dans ta tête, ça fait ça fait mal. J'ai buzz cri dans les enceintes, ça fait mal. Mat, comment je débite, ça fait ça fait mal. Dans le rap game, je vais m'installer, ça va faire mal. C'est le remix de ça fait mal, ça fait mal. Yeah.